les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh, ils nous sont nous, petit à petit. L'Afrique se fera, petit à petit. L'Afrique se fera. Donni, donni, bononi, ndayala. Donni, donni, bononi, ndayala. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a eu la dictature. Les petits partis vont aussi. Aujourd'hui, les petits partis sont. Oh, ils nous sont. Petit à petit. La démocratie. Petit à petit. La démocratie. Petit à petit. La démocratie. La démocratie. La démocratie. La démocratie. Aduna, aduna bun khadi. Samay moro mannyu, samay moro mudanyu. Wale man magifi. Aduna yon buyoi, aduna yon buyoi. Samay moro annyu, samay moro mudanyu. Wale man magifi. Nakanda gamoy ya pagolo chiyai. Takana gamoy ya pogolo jinyai fofgañi assalamu alaykum mangi waxtane yon ci mbirum adina